Je revenais un voyage avec mon frère. Un quelqu'un dit qu'il va battre moi. Et puis, mon frère dit que pourquoi? Mon frère et lui boxaient, luttaient. Et j'ai chanté. Yeah.